prisonnier des glaces. L'avenir nous lasse. Trouvera-t-on sa place juste là en face? Tous ceux qui nous lassent, un autre siècle passe, et tes yeux à mes grâces. Prisonnier, l'avenir. Tous ceux qui...